Mon cœur est déjà pris depuis l'échographie. Paire de requins, je tire le penalty. Des aides comme Verratti, Cristiano, je suis un vrai Arbi. Je perds l'équilibre, mes rôles sont là. Tête sur les épaules, je me relâche. Si elle est skinny, jamais on la ken. Boada est skinny, fume des gros winches. Ça marche au feeling, faudra t'habituer. RS3, je peux l'acheter, mais ton œil va me tuer. Grosse frappe enroulée, tu tapes dans la C, fais pas le mec enrhumé. Demain c'est loin, le mec a monté son empire. Des deux mains, c'est moi. On l'a fait nous-mêmes, comme la reine du sud, Sinaloa. Silex en main, les petits d'orge, mon pète au feu même sous l'orage. Basket troué, suffit plus d'être doué à l'orage. En espérant que personne au comico passe à l'oral. J'suis pour le réal, pour le réel. L'héritier de bête encore pour le réal. Hola chica, hola ketal. Tout pas ma pinga sur ma bécane. J'ai comme un brésilien ce soir. J'ai la plus bonne femme, c'est sûr. J'suis comme un colombien ce soir. J'baby la meilleure comme c'est sûr. Du poids j'ai pris, c'est derrière le rideau que l'artiste est triste. Je préfère être de passage et investir que rester longtemps et me travestir. Dans la rue je vois la drogue creuser des joues. T'as perdu la tête, t'as croisé des genoux. S'en fout tes menaces, on sait que t'agis pas. Si t'as de l'audace, on fera pleurer mère Rachida. Prise de conscience quand l'alcool redescend. Est-ce que mourir d'une clope c'est renaître de ses cendres? Élevé à la dure, on me demande d'être tendre. Presse la détente, chire et je pointe, c'est pas la pétanque. L'amour c'est 50 euros, la fidélité c'est 50 ans. F2 entassé avec 5 enfants. Belle et que les terrains sont glissants mon grand. L'équipe est saoulée, l'équipe est sous belle aise. L'équipe cagoulée te laisse aucun délai. Brésilien ce soir.